Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'était fou en 2016. C'était fou en 2016, la rétrospective de l'année au grand complet. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Mm-hmm. Pendant toute l'année, on a eu tellement de bonne musique, ça n'a même pas de sens. Je pense que c'est une des bonnes années musicales. C'est vrai, hein? On a eu des tunes qui sont restées au palmarès pendant vraiment un bon bout de temps et beaucoup de pièces qu'on a vraiment aimées. Oui, des pièces que dont les gens sont devenus accros. Mm-hmm. Il y a eu beaucoup de pièces pendant l'été qui ont été là vraiment très, très longtemps. Donc, on va en entendre plein dans l'émission d'aujourd'hui parce qu'on a un top 25 francophone et un top 25 anglophone à entendre. On va aussi parler du top 20 loud plus tard dans l'émission. On va entendre plein de super bonnes choses. Moi, en anglo, je regarde ça, puis j'ai entre autres du You Say Party, du Steve Hill. Qu'est-ce qu'on a? On a du... Duchess Says, Charlie Day Wilson, Toons, Opeth, Kurt Vile, un paquet d'autres trucs. Ah, puis du côté francophone, c'est la même chose. Vraiment, beaucoup de gens qu'on a aimés tout au long de l'année. Entre autres, Dead Obies, Marie-Pierre Arthur, Rouge Pompier qui revient encore une fois, Lydia Kepinski qui a réussi à se glisser dans tout ça aussi, puis le Husky, bien évidemment. Kepinski et Husky, les deux ont fait du ski avec bar là-dedans. Écoute, hein? C'est ça. Ils sont prêts pour l'hiver. On va commencer avec les 25e places en anglophone. C'est David Bowie avec une pièce de l'album Black Star. It's a Pity She Was a Whore. Ça a atteint la position numéro 4 la semaine du 11 avril. Et du côté francophone, une pièce qui restait là vraiment un bon bout de temps durant l'été. On va aller écouter Dead Obies avec Waiting qui est resté là pendant 7 semaines. C'était fou en 2016. Assez fou 89 FM. Stand by, c'est quand tu veux. Just let me get high, tant tu peux, man. J'prends mon temps, moi j'suis rendu vieux. Tu t'en crisses, well, guess qu'on est rendu dedans. Ha, veux-tu bien? The fuck you mean, j'suis pas d'y aller. Matter of fact, I was born ready. Short stack, off the bird bread. It could do it all, they heard it. Trois yeux fermés, deux mains dans le dos. When I smoke that dope, why give a shit? I mean, kid, I'm done, y'en show, we can talk money. Check the langage, parce comme on dirait dans le know. You my goodie, fuck you pay me. Cordialement bon, and I'm out like that. Keep you waiting, baby, you know how it goes. Twist a cigarette when I'm ready for the show. Whoa. Go de 0 à 140 km dans un Renault juste pour make it to the show. Then or no, and another angst sur le pouce. J'prends une pause, pis j'pense pas que personne sache anything for sure. I don't think they know where to s'en va for sure. They know, they don't know. No, c'est pour ça que j'fais yank à ma tête pis que j'envoie chier la moitié de la planète talking about me quand j'get sur le stage. Getting high comme la voix à Joe sur les midis pis la bise. Pis si t'attendais un message, j'pense pas que t'es fini de perdre patience. Mais si t'attendais pour l'album, désolé d'avoir fait attendre. I don't mean to keep you waiting, baby, you know how it goes. Twist a cigarette when I'm ready for the show. Mon gars, j'pense j'suis fait pour être sous. Truce, roule ça. Pas si mon gars douce. J'prends du chest pour être pour. J'pense j'suis fait pour juste do it. Tant qu'I'm done et en show, tant même face pour. I mean, tant que done et tu fuck mon gars. Tant 20 something, rolling the blunt, Morgan. Boy, you rock, calling the sushi. Boy, bear, ready to rumble, Morgan. Throwing with yes, smoke the chest. Team bows, team throws. Down the lodge, eating crypto, cheetah stoner. Yes, it stays my wing, it's your eating. Vince, you're prêt to partir le beat. Ça c'est vraiment nice, puis aussi juste l'intensité du flow. C'est très débile. J'aime vraiment leur intensité. Je m'attends genre à tous leurs nouveaux beats, là, puis genre. Juste genre, de leur énergie, genre les mosh pits, Tony Hawk, les gros beats, là, ils font juste tout. Je m'attends à ce qu'ils me décalissent la face. À chaque fois, c'est fucking insane, le brainier. Puis genre, c'est vraiment des bêtes de scène, là, genre, tu veux le. Le beat. Tu vas compter, mais. Wow, la huitième fois. Ok, on a un record. On peut jamais savoir à quoi se prendre avec des beats. L'enregistrement, mais c'est des gens très créatifs, alors... On est intéressé de les voir en personne, quoi. Ouais, la même chose, c'est l'intérêt. J'aime le mouvement de français, on l'a fait originaux. On est un peu, là, pour l'écouter sur la langue française au Québec. Qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'espère du knowledge dans cette année. Honnêtement, c'est de répondre à mes questions, mais j'ai aucune idée de ce qu'on parle. Mais je suis pas vraiment plus impliqué que ça, mais je voulais voir l'expérience. Combien de fois que vous voyez des lobbies en show? Deuxième. Je t'entends pas le oui des citrons là. Thank you. avec Damned sur l'album Solo Recordings Volume 3. Ça a été numéro 3, c'est la période du 11 au 24 avril, en 24e position anglophone. Et du côté francophone, c'était 10$ de Fred Fortin qui est monté jusqu'à la deuxième position, le plus haut top qu'on a eu pour lui, du 11 au 24 avril. Mmh. Toujours à cet effort, en 2016, la compilation des meilleures pièces de l'année. On continue avec les 23e places en anglo, c'est You Say Party, les anciens You Say Party, We Say Die, avec la pièce Ignorance qui atteint le numéro 2 la semaine du 14 au 20 mars. Et du côté francophone, c'est Chocolat avec les Pyramides qui, elle, est montée en première position du 17 au 23 octobre et qui est restée là pendant 7 semaines. Hey, ça, c'était fou en 2016. Oh, c'était malade.

I adore life. door live. I adore life. I adore life. I adore life. I adore life. Ah, qu'on adore cette pièce-là, Adore de Savages sur l'album Adore Life. Ça a été numéro 1 la semaine du 7 au 13 mars. Ça a été là pendant 7 semaines. Du côté francophone, Marie-Pierre Arthur est venue nous aider un petit peu. On a caché l'hiver à la 20e francophone. On a monté simplement à la 12e position cette année pour Marie-Pierre Arthur. Mais quand même, on est resté là pendant 8 semaines. Sans jamais aller plus haut que ça. Non, c'est un peu plate. Il me semble que c'est plate. Ouais, c'est plate. Ouais, c'est ouais. Comme... c'est... Comment dire? T'sais? C'est ça. C'est ça. Hein? J'en ai-tu du vocabulaire, moi? C'est fou incroyable. Quand on est malade d'avant. Oui, c'est ça. On a vraiment la voix pour faire de la radio en ce moment. Vraiment? Et en plus, le cerveau qui rentre à plein allure. Bref, le prochain bloc, c'est celui des 17e places en anglophone Minotaurs avec Gold Rush Lady. Celle-là, on l'a vraiment aimé sur l'album Weird Waves. Ça a été numéro 4 la semaine du 14 mars. Et en francophone, c'est Hiver de Baden Baden. On s'est pas rendu loin là non plus. Numéro 6, mais pendant 2 semaines, du 25 janvier au 7 février. Comment la chanson hivernale dans cette émission-là? Ça tombe bien. On dirait qu'il y a une thématique. C'est ça. C'était fou en 2016. We'll

14. Early morning. Charlotte Wilson avec Find You, on l'a trouvé, était là, s'est rendu jusqu'au numéro 2 sur l'album CDW, c'était la semaine du 24 au 30 octobre. Quelqu'un d'autre qui a réussi à se rendre à la deuxième position, c'est Hidalgue, une pièce que elle aussi on a beaucoup aimé, qu'on a fait beaucoup jouer à Assemblage Requis, c'est Demi-Serpent, elle se retrouve à la 14e position francophone, mais on est resté là pendant 8 semaines. Du bon stock, pas mal. On retournera au palmarès de l'année tout à l'heure, mais avant ça, comme au palmarès c'est fou, on a top 20 franco, top 20 anglo, top 10 Loud, top 3 canadien, bon, on connaît la formule. Oui. Dans le top de l'année 2016, on a un top 25 franco, un top 25 anglo, mais un top 20 loud, juste pour être différent. Et pour être loud, c'est très très loud. Pour être metal, pour être rebelle. Et c'est pas un top qui est dans un ordre, c'est vraiment par nombre de semaines qui ont été là. Ça veut pas dire que c'est meilleur parce que c'est en haut de l'autre. C'est un petit peu complexe, donc on va les nommer un par un avec les artistes et les albums jusqu'à temps qu'on se rende en haut de la liste, puis là on dira les détails pertinents. Donc je vais commencer avec le bas de la liste. C'est l'artiste Kvelartak. Et l'album Natusferd. C'est en allemand, ça, mon cher Mathieu? Sinon, on a Exhumer avec The Raging Tides. Ensuite, Anvil avec l'album Anvil is Anvil. Voivod avec Post Society. Abath avec leur album homonyme Abath. L'artiste Saxon avec son album Battering Ram. Ensuite, Emmon Amarth avec Jorns Viking. J'aime comment tu as tous ceux qui sont compliqués. Sinon, on a Illyrian avec Round to Fight. Ensuite, Airborne is Straight Out of Hell. The Agonist avec l'album Five. Ancients avec deux I et l'album Voice of the Vod. Motorhead, Bad Magic. Sanctuary avec Winter's Doom. Ah oui, je voyais pas. Allegan avec Proponent for Sentience. Ensuite, je sais pas, on est rendu où dans cette liste-là, mais on suit l'ordre prédéterminé du nombre de semaines. Donc ensuite, on continue avec Red Fang et l'album Only Ghosts. N-Trax avec Four Hall Kings. Et finalement, pour ce bout-là, Ram avec Zbuffzrvmzm. C'était très bien. C'est pour vrai, pour un rhume, là, mettons. Là, pour c'était excellent. C'est S-V-B-V-E-R-S-V-M. C'est ça. C'est un acronyme sûrement pour quelque chose. Probablement, je peux pas croire, rhume. Sinon. Et ensuite, là, on n'a pas, encore une fois, ce n'est pas un top, même si ça s'appelle un top 20 large. Donc, les trois premières sur la liste, donc on va donner plus de détails. Commençons avec Epica, avec l'album The Holographic Principle. Ça a duré 11 semaines, ça a été numéro 1 pendant 7 semaines, donc du 17 octobre au 4 décembre. Sinon, on a Opeth avec Sorceress, qui est resté là pendant 12 semaines, mais qui est resté numéro 1 pendant 3 semaines, du 26 septembre au 16 octobre. Et finalement, Megadeth avec l'album Dystopia a duré 13 semaines, ça a été numéro 1 pendant 4 semaines, donc la semaine du 1er février, du 8 février, du 15 février et du 22 février. Je pense que leur mois à Megadeth, c'était le mois de... Je pense que oui, hein, ça ressemble pas mal à ça. Voilà pour le top 20 loud. Pour l'instant, par contre, on est rendu aux positions numéro 11 de Sheepdogs avec Back Down, qui a duré 8 semaines et qui a été numéro 1, celle du 21 mars au 10 avril. Tu vois, tu parlais de pièces qui nous a peut-être pas autant marquées. Il y en a une qui nous a marquées de Dead Obies. C'est celle où on pensait que c'était moi qui parlais à la fin. Ouais, et c'est un petit peu celle-là qu'on retrouve à la 11e position francophone. C'est Away qui est resté en première place du 25 au 31 janvier. Ça, je me rappelle, là... hors ronde avant l'émission, quand tu m'as dit, j'espère que tu me demanderas pas c'est quoi le nom de l'album. Oui. C'est quoi le nom de l'album, non? Tu vois, c'est pas le même album, c'est un autre album. Bon. Et on dit que c'est simplement single. Okay. Je te le redemanderai tantôt, voir. C'était fou en 2016. Ain't it? Coupe de gros mots, coupe de girls, coupe de moët. Coupe de haters qui se fait plus d'attendre pour hate. Mais c'est bien chill, fragile, y'a pas un gros mec qui dégèle. Et puis that's it, on se cassera pas le PC. Brigitte, French frogs gon' rip it. Fait au Québec, tu dis tu veux pas make it. À moins que tu fake it, fuck it. T'es une sorte de neck Champlain à remonter le Saint-Laurent. On est 6 d'un V6 contre 100 sur Saint-Laurent. Notre temps c'est vous de t'aider, boy, it's really good. Traite de chance, et si t'es peur, t'es négatif, on wake up.

Avec Window Shades. Ça a duré 8 semaines, ça a été numéro 1. Ça, sur l'album Half Free, dans la période du 30 novembre au 6 décembre 2015. Encore une fois, oui, 2015, parce qu'il était sur le palmarès à la fin de l'année 2015. Ça a continué jusqu'en début 2016. Je ne sais pas si tu te souviens, mais l'année passée, c'était la bronze qui avait dominé beaucoup nos émissions matinales et aussi les palmarès. Cette année, ça a un petit peu changé. Rosie Vallant, on l'a fait vraiment jouer souvent. Elle se retrouve à la 10e position francophone, Quebec City, qui est restée à la première position du 11 au 17 janvier. Ben oui, ça valant la peine de la faire jouer autant, comme on dit. Ben oui. Position numéro 9 maintenant, donc du côté anglophone, The Noble Thieves avec How Can You Think of Love at a Time Like This sur l'album It's Tough to Be the Bad Guy. Ouf! Ça a duré 8 semaines, ça a été numéro 1 du 7 décembre 2015 au 10 janvier 2016. Je sais que tu les aimes beaucoup, Mathieu, ne t'inquiète pas, Rouge Pompier se retrouve dans C'était fou en 2016. Pense à moi. Oui, exactement. On se retrouve à la 9e position francophone et on a été numéro 1 pendant 2 semaines pour Rouge Pompier. Du 29 février au 13 mars, voici Autobus. C'était fou en 2016. Rappelle-moi rappelle-moi, Jess Fush. Rappelle-moi pourquoi t'es pas dans l'autobus. Rappelle-moi, Jess Fush. Hey, Jess Fush, encore. Rappelle-nous pourquoi t'as l'enfant d'un mort. Rappelle-moi, encore. On va t'aider à passer à travers. On va t'aider à pas trop y passer. On va t'aider à passer à travers. Ça va se passer à plus en temps. 4, 3, 2. Hear my song.

C'était Cage the Elephant avec Mess Around. Ça a duré 8 semaines, ça a été numéro 1 pendant 2 semaines, du 1er au 7 février et du 15 au 21 février sur l'album Tell Me I'm Pretty. Et en 8e position francophone, N'avait Confi avec, ben oui, Mannequin de magasin. Ah. On parlait de chansons qui nous ont pas tant marqué. Oh. On s'en souvient. Oui. On s'en souvient quand même. C'est pas la définition d'être marqué, ça, de s'en souvenir? Ouais, quand même, ok, je te l'accorde. Ça veut dire qu'on s'en souvient pas en bien. C'est ça. On est resté au palmarès pendant 8 semaines, mais on a été numéro 1 du 23 au 29 novembre 2015. Mmh. On s'en va en 7e place maintenant en anglophone. C'était New Order avec Restless, qui a duré 9 semaines, qui a été numéro 4 seulement sur l'album Music Complete pendant la semaine du 23 au 29 novembre 2015. Donc oui, de l'année passée, ça a continué jusqu'en janvier. Et du côté francophone, on va aller écouter Les Revenants avec Rien ne saigne comme un pouce. Le plus haut qu'on a réussi à monter, c'est la 11e position. C'était fou en 2016. Assez fou 89 FM. Cherchez du sens. Changing world, these sweet touch. reste carrière à compléter. Aucune larme, aucune volonté à faire valoir. Fait partie des risques du métier. Sing Falls avec This Is Why. Ça a duré 9 semaines. This Is Why que ça a atteint le numéro 1. Hein, ça a du succès. Avec la semaine du 1er février 2005. Une autre pièce qui est restée là pendant 9 semaines, c'est du côté francophone. La 6e, on vient d'entendre Athéna avec Prends mon temps. En 5e place, en anglophone, c'est Etou Broussé avec une de nos pièces préférées de l'année. Ça me surprend pas du tout que ce soit dans le top 5. Mm-hmm. Ça a duré 9 semaines. Ça a été numéro 1, bien évidemment. C'est la pièce Hey Blue pendant la semaine du 29 février au 6 mars. La 5e, francophone est resté au top 1 du 22 au 28 février, mais est quand même resté au palmarès pendant 9 semaines. C'est La Brume de Renard Blanc. C'était Fou en 2016. Ah, c'est fou 89 FM. Yeah. stuck here missing you. I'm tearing up my list for you. Something about this picture is not right. 4. Je pourrais te dire de peu temps faire. Game on before. Don't Purple Rage. Ça, c'est ce que tu ressens quand t'es rendu complètement mauve de froid. Par Dilly Dally, ça a duré 9 semaines. Ça a été numéro 1 la semaine du 23 novembre 2015 et jusqu'en 2016. Tout à fait. Une artiste qu'on commence beaucoup à aimer, Mathieu, c'est Lydia Kepinski, qu'on vient d'entendre avec Apprendre à mentir, qui est restée au top 1 du 7 au 13 novembre. C'est tellement fine, on l'a eu en entrevue à Assemblage Requis cette fois. Oui, c'était bon. Maintenant, le bloc des 3e places en anglophone, c'est Pretty Pimpin' par Kurt Vile. Ça a duré 9 semaines. Ça a été numéro 1 la semaine du 16 novembre 2015 jusqu'en 2016. La 3e position francophone, c'est Paupières avec 5 heures. On est resté numéro 1 pendant 2 semaines, du 8 au 21 février, et eux aussi, on a eu un coup de cœur. Ah oui, et ça se passe, c'était fou en 2016. Then I woke up.

management. Finally, that final exam is handed in. Hourglass flipping, the lessons branded in. The final note played on the mandolin. Body returns, a guest, a quest forever burn. Unless within the urn, earn wages by our work. Never wait for a turn. The wheel, fortune tuned for the show, and hold what you learn. Till you understand the point of the circle. Drop the dress rehearsal. Shakespeare's dead, but I'm born again. Just another scholar to rope until I reach perfection. Ayo, ayo, ayo. Said you gotta let it fly away. Ayo, ayo, ayo. We're meant to see another day. Imagine where blackness has been a casket beneath the planet or mattress. If you could handle it, plan to get where we're going. Overflowing river sticks, I ride the Sphinx to Osiris. The mileage isn't worth the risk. You can greet me at the pathway or sleep and meet me halfway. Tickets can be as cheap as you want them to be. Practically free, believe in the spirits that you learn to see. Beneath all the fear, just learn to breathe. It's only as easy as you let it be. Now sleep, release all of your energy and come with me. You gotta let it fly away. Afterlife avec EO. Wow, ça a duré 10 semaines, ça. C'est vraiment dans les plus longues pièces. C'est sur l'album I Am. Ça a été numéro 1 la semaine du 18 janvier. Du côté francophone, Claude Pelgag, Samedi soir à la violence. C'est une pièce qui est restée là pendant 2 semaines, numéro 1 du 3 au 16 octobre. Hey, c'est-tu bon, ça? Oh oui. Il nous reste seulement le numéro 1. Donc, en anglophone, on vous annonce tout de suite que ça a duré 10 semaines, que ça a atteint le numéro 1 la semaine du 31 octobre. L'album s'appelle Sorceress, la pièce Will of the Wisp. Vous aurez deviné que c'est Opeth. Et du côté francophone, eh bien, je vous annonce aussi que c'est resté au palmarès pendant 10 semaines, eux aussi. On a été top 1 du 18 au 24 février. C'est un single, c'est indépendant, pas d'album encore, mais le Husky dans la neige. Ah, génial, c'était fou en 2016. Assez fou, 89 FM.

said to yourself and points to the source of the deep. It's up to the failures of your life. All the sorrows of your triumph. And you can never find the satisfaction. On vient d'entendre Opeth avec Will O' The Wisp sur l'album Sorceress qui a duré 10 semaines et qui a été numéro 1 la semaine du 31 octobre. Du côté francophone, eh bien, ça fit super bien avec le temps des fêtes. C'est une pièce qu'on a fait beaucoup jouer, une pièce qu'on a adorée. C'était Dans la neige de Le Husky qui est resté en première position du 18 au 24 janvier, oui, mais qui est resté au palmarès pendant 10 semaines. Et voilà, c'est tout pour ce palmarès de l'année. C'était fou en 2016. On va se retrouver en janvier, bien sûr, toujours les mardis entre 14h et 17h en direct, toi et moi. Oui, tout à fait. On passe les vendredis soirs à 17h. Il y a des rediffusions. Allez voir c'estfou.ca. Cette émission-là va rejouer pendant les fêtes. Donc, je vous rappelle d'écouter Assemblage requis du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. Tania va recommencer son émission aussi à l'hiver. Oui, exactement. Mi-février. Genre, pour remplir avec Tania Baudin. Exactement. Moi, je vais être là pour le Mathieu Plante Show les mercredis entre 15h et 17h. Encore une fois, c'estfou.ca, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Merci, Tania. Merci à toi, Mathieu Plante. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Regardez le générique roulé à l'écran pendant qu'on parle et que la musique joue. Quelle bonne idée. Ah, là, là, là. We'll be right back.